Chapitre 28. Les bons certificats d'André, l'honnêteté et l'économie. Si tu es honnête, laborieux et économe, aie confiance dans l'avenir. Cependant, le temps s'écoulait. Il y avait un mois qu'André et Julien étaient à Épinal. On songeait déjà au départ. Le patron d'André, qui n'avait que des louanges à faire du jeune garçon, lui avait procuré des papiers en règle, un livret bien en ordre, un certificat signé de lui-même avec le sceau de la mairie, puis l'attestation du maire de la ville déclarant qu'André et Julien étaient de braves et honnêtes enfants et qu'ils avaient passé laborieusement leur temps à Épinal, l'un à l'école, l'autre chez son patron. La mère Gertrude avait voulu, elle aussi, se porter garante des jeunes orphelins, et de sa plus belle écriture, elle avait joint son témoignage à celui de monsieur l'instituteur, à ceux du patron d'André et du maire. Nos jeunes garçons étaient bien contents. « Comme c'est bon, disait André, d'avoir l'estime de tous ceux avec lesquels on vit !» Et Julien frappait de joie dans ses deux mains en regardant les précieux papiers. Quand il fut question de régler le prix de la pension chez la mère Gertrude, elle leur dit « Mes enfants, voilà un mois que nous sommes ensemble, je suis économe, comme vous savez. Mais j'ai déployé toutes mes finesses pour que nous ne dépensions pas trop d'argent. André m'a remis chaque semaine ce qu'il gagnait. Je me suis arrangé pour ne pas tout dépenser. » Voilà deux belles pièces de 5 francs qui restent sur les journées d'André, et nous allons les joindre à la petite réserve que vous m'avez confiée en arrivant. « Oh, madame Gertrude, dit André, il n'est pas possible que vous ayez si peu dépensé pour nous. À ce compte-là, vous devez être en perte, et nous serions trop riches. »« Non, non, dit obstinément l'excellente petite vieille, soyez tranquille, André, je ne suis point en perte, et j'ai eu tant de plaisir à vous avoir avec moi que ma vieille maison va me paraître vide à présent, et mes années plus lourdes à porter. » Hélas, la belle jeunesse ressemble au soleil, elle réchauffe tout ce qui l'entoure. « Oh, madame Gertrude, dit Julien, ému en l'embrassant de tout son cœur, nous penserons souvent à vous, et nous vous écrirons quand nous aurons rejoint notre oncle. Oui, mes enfants, il faudra m'écrire. Et si vous vous trouviez dans l'embarras, adressez-vous à moi. Je ne suis pas riche, mais je suis si économe que je trouve toujours moyen de mettre quelque chose de côté. L'économie a cela de bon, voyez-vous. » Que non seulement elle vous empêche de devenir à charge aux autres, mais encore elle vous permet de secourir à l'occasion ceux qui souffrent. « Madame Gertrude, nous allons tâcher de faire comme vous, » dirent les deux enfants. « Nous allons être bien économes. Nous sommes tout fiers d'avoir tant d'argent. Cela nous donne bon courage et bon espoir. » Une page d'un livret d'ouvrier. Quand un ouvrier entre dans un établissement, il présente son livret au patron, pour que celui-ci y inscrive la date de son entrée. Lorsqu'il sort, il lui présente également son livret, pour que le patron y marque la date de la sortie. Un livret bien tenu est la meilleure recommandation pour l'ouvrier et lui sert de passeport. Par exemple, 4e feuillet. Je certifie que le nommé André Volden a travaillé chez moi comme ouvrier serrurier du 5 septembre 1871 au 5 octobre 1871 et que sa conduite n'a rien laissé à désirer. Signé Kennedy, Épinal le 5 octobre 1871. Tampon de la mairie, ville d'Épinay, Vosges, vu le 5 octobre 1871 le maire, M. Schwarzberg.